Une férocité impossible à atteindre, de Judith Louis. Simplement. Deuxième émission. Elle est la seule à être dans l'ombre. Quoi que je fasse, mon regard est attiré par la pénombre qui irradie son visage. C'est étonnant comme sa façon de se poser dans l'espace sait si mystérieusement happer la face cachée des projecteurs, alors que le reste du cœur est en pleine lumière. J'ai beau continuer de diriger l'orchestre, je ne peux pas dégager mon attention de cette femme essentielle, la seule ombre du tableau. Je suis fasciné. Pas un seul instant, le halo noir qui l'entoure ne se dégage d'elle. Son port de tête, son regard, le mouvement délicat du buste qui accompagne son chant, tout en elle est tourné vers l'ombre, alors que chacun de ses voisins cardinaux reste ostensiblement éclairé. Ce n'est pas la place qu'elle occupe qui échappe de façon aléatoire à la projection des rayons. C'est comme si sa personnalité même réfléchissait l'ombre à elle toute seule. Jamais comme ce soir, je n'avais remarqué cette femme génératrice d'obscurité. Les répétitions n'avaient pas mis en avant cette choriste, comme si elle avait attendu le grand soir pour déployer ses ensorcellements. Ce n'est sûrement pas la plus belle. Ce n'est probablement pas la plus talentueuse. Mais je ne vois qu'elle. Tout mon être est happé par cette femme. Mes gestes sont automatiques. Mon corps reconnaît les turpitudes du concert. Il sait ce qu'il a à faire. Je l'ai bien dressé. Il sait quelle représentation il se doit continuer d'assurer. Personne dans cette salle ne s'apercevra de rien. Et je ne suis plus avec eux. La seule reconnaissance qui m'attire, la seule qui me brûle, c'est la sienne. Elle n'est pas banale comme la lune qui brille de mille feux blafards parce que le soleil daigne éclairer une partie de ses atours. Elle est aveuglante parce que rien ne pourra jamais l'illuminer. C'est une femme à ma mesure. Elle seule a compris qu'il n'y a rien à gagner à se battre pour être dans la lumière. On ne fait que partager sa rangée avec d'autres. Je sais que je suis le seul homme capable de la reconnaître n'importe où dans l'univers. Je veux qu'elle sache, ce soir, que je suis celui qui a saisi sa force. Les notes s'envolent. Elle me regarde sans me voir. Elle suit le chef d'orchestre. Elle fait son métier, ni mieux ni moins bien que les autres. Mais ce qui nous lie désormais est plus violent que l'art lui-même. Mes yeux ne peuvent qu'accrocher son regard. Mes charmes irradient autant que les siens. Ils ont la puissance du destin. Elle vient enfin de se figer dans mon axe. Cette femme est à moi. Cette femme est à moi. Cette femme est à moi. J'ai toujours su que je n'étais pas grand-chose. Depuis ma mère, qui a toujours cru que j'avais une âme d'artiste sous prétexte de ma blondeur vénitienne, les autres se sont toujours acharnés à voir ce que je n'étais pas. Je ne suis rien d'étonnant, rien de mieux, rien de grave, et j'ai toujours annoncé la couleur. Je n'ai jamais été malheureuse de n'être rien. Je n'ai jamais souhaité autre vie que celle tranquille que j'ai tentée. Douce lenteur des choses autour de moi. Elles vont, elle passe sans anicroche. J'aurais seulement souhaité une maison, un mari, un enfant. J'aurais pu y parvenir, si seulement ma mère ne m'avait pas poussée à rentrer dans la chorale du curé, puis le curé forcé à aller au conservatoire, puis le conservatoire fait repérer par le chef de chœur de l'orchestre de la ville. Heureusement, j'étais noyée au milieu des autres. Je gagnais ma vie tranquillement, et je la contemplais désormais sans plus aucune appréhension. Nous nous ressemblions enfin, ma vie et moi. Même si je peinais à rencontrer celui qui comprendrait qu'il pouvait m'aimer simplement. Et surtout qu'il pouvait, pire qu'il devait, m'enlever à l'opéra. Je n'aspire à rien d'autre qu'à être celle que je suis, posée telle une fleur des champs voisins qui voit passer la vie au gré du soleil, du vent. Mais on ne cesse de m'arracher là où je commence à m'épanouir timidement. Je suis usée qu'on ne veuille pas de moi comme ça, là, telle qu'elle. Qu'on ne me laisse pas vivre la vie que je peux. Laissez-moi maintenant. Laissez-moi. Je veux partir de tout cela. Je veux dormir. Loin de ces gens que je ne comprends pas et qui attendent de moi, exigent, me tirent vers eux. Et font que je ne rêve maintenant que de mourir, pour vivre en paix. Je ne sais comment vous dire mieux ce que je ressens, pour que vous compreniez enfin quand vous lirez cette lettre. Je ne sais pas si je vous aime, je ne sais pas si je vais vous manquer, puisque aucun n'a pu me remarquer sans vouloir me changer de place. Je sais juste qu'il faut que cela s'arrête. C'était « Une férocité impossible à atteindre » de Judith Louis. Simplement. Deuxième émission. Avec Olivier Claverie et Sandrine Lebert. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistance technique et montage, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy.